confions son corps à la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La société des vivants et celle des morts. Deuxième épisode, oraison funèbre et dernier mot. Quelqu'un est né, a vécu, est mort, est disparu, sans laisser l'adresse, n'est-ce pas, sauf le cimetière. Et vous trouvez que c'est clair. Eh bien, c'est là que j'ai pour moi l'espérance. C'est la surnaturalité de ce message. Qu'est-ce qu'il signifie? Je ne veux pas dire que ce quelqu'un est quelque part maintenant, qu'il m'entend. N'est-ce pas, qu'il m'entend, qu'il a un fil spécial avec moi, et qu'il est comme les auditeurs invisibles qui nous écoutent maintenant. Je veux pas, il n'est nulle part, et il est en dehors du temps. Mais le fait qu'il a vécu, cette promenade dans le destin est un profond mystère, un mystère qui est pour moi consolant et un principe d'espérance. Je ne sais pas si c'est très clair. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Mais si, c'était le philosophe Vladimir Yankelevitch, il n'a cessé de parler de la mort comme d'un instant. Un instant d'ailleurs difficile à déterminer. Mais une fois passé cet instant, mettons un grand I majuscule, est-ce pour autant le néant avec un N majuscule, demandait Yankelevitch. La société des vivants s'y résout mal, aussi fait-elle à ses côtés une place à la société des morts. L'oraison funèbre, notre premier thème, contribue au passage de la première à la seconde. Mais attention, le discours, si on attend de lui l'apaisement, peut se révéler inflammable. L'enterrement de Yankelevitch en 1985 est révélateur à cet égard. Le journal Libération l'avait fait précéder par la publication d'une interview posthume où le philosophe reprochait à beaucoup de ses pairs d'avoir été lâches pendant l'occupation. On devine que le climat au cimetière fut glacial. Nul propos d'accompagnement lénifiant n'était plus possible. C'est au fond une option comme une autre. Pour survivre, il faut rester dans la guerre, comme de son vivant. Ce que je voudrais régler, avec ton assentiment bien sûr, c'est la cérémonie mortuaire. Comment la cérémonie? Mais il faudra que quelqu'un fasse un discours. Ça sert à quoi de faire un discours? Il y a le curé déjà qui doit prononcer son oraison sur les lieux de l'inhumation. Et comme tu es un homme connu dans ton milieu, que tu as écrit un ouvrage de portée internationale, tous les hommes de science seront là. Et il faudra bien que au moins un de ces hommes te rende justice. C'est la moindre des choses, non? En fait, j'ai songé à un homme. Le docteur Schulte, tu sais? Schulte? Et pourquoi celui-là, hein? Oui, je sais qu'il est ton rival acharné. Je sais, seulement c'est une personnalité. Vous êtes collègue. Schulte? Ça, jamais. Pas question. Je ne veux pas qu'il parle. Mais comment as-tu songé à lui? Tu sais que son ambition a toujours été de me casser la baraque. C'est lui qui, en fait, s'est proposé de faire le discours. Il a dit qu'il te connaissait si bien depuis si longtemps que les petites rivalités ne comptent plus devant une tombe ouverte. Et encore mieux, il a déjà écrit le brouillon de son discours. On pourra le lire tous les deux. Et si tu y tiens, tu changeras les choses qui t'ennuient. Ensuite, il fera toutes les corrections que tu voudras. De tes corrections? Si tu n'arrêtes pas ça tout de suite, c'est lui que je vais corriger. La future veuve dans une série télé de France 2. Une femme reste une femme. Avec une oraison de combat, peut-être la mort est-elle heureuse d'être surprise dans la routine qui l'accompagne habituellement. L'oraison va si souvent à l'économie, au plus facile. On reconnaîtra maintenant le film des frères Cohen, The Big Lebowski. Danny jouait bien au bowling et c'était un type bien. C'était l'un des nôtres. Il aimait beaucoup la nature. Et le bowling. En tant que surfeur, il a exploré les plages du sud de la Californie, depuis La Fola jusqu'à Leo Crio, et même jusqu'à Pismo. Il nous a quittés comme beaucoup d'hommes de sa génération, fauchés prématurément. Tu nous l'as enlevé, ô Seigneur, comme tu nous en as pris bien d'autres, tous morts au combat. À Kessan, à Languedoc ou sur la colline 364. Tous ces jeunes gens ont donné leur vie, comme Donnie. Donnie qui aimait le bowling. Ainsi donc, Théodore Donald Karabotsos, selon ce qui aurait pu très bien être tes dernières volontés, du moins d'après nous, nous allons maintenant confier ta dépouille mortelle aux abîmes sans fond de cet océan que tu as tellement aimé. Bonne nuit, mon doux prince. Le doux prince n'est jamais allé au Vietnam. Alors à ceux qui manqueraient d'inspiration, je signale que sur le net, des sites se sont créés qui prétendent aider à rédiger des oraisons funèbres. C'est drôle de voir l'expertise se glisser jusque dans un domaine, la mort, où par définition, nul ne peut témoigner de son expérience. On préférera ici recourir au témoignage des hautes époques. À Athènes, lors des funérailles des soldats morts au champ d'honneur, l'orateur rendait un hommage collectif à ses héros, invitant les citoyens survivants à suivre leur exemple. À Rome, différence, les patriciens se plaisaient à défendre les qualités individuelles de leurs disparus. Comment mettre en doute, en effet, l'honorabilité, acquise de naissance, sans doute, par les aristocrates ? Marc-Antoine, dans la pièce de Shakespeare, après que César a succombé à la conjuration de Brutus. Je ne suis donc à cette tribune que pour y prononcer les paroles d'usage. César était mon ami, et il me fut toujours un ami sûr et constant. Mais Brutus nous atteste que nous avions affaire à un ambitieux, et Brutus est un homme honorable. César, sa vie durant, nous a ramené de ses campagnes d'innombrables captifs. Leurs rançons n'ont cessé d'engraisser notre trésor public. C'est peut-être dans ses exploits que Brutus a décelé de l'ambition. Quand les pauvres hurlaient de misère, César pleurait et s'apitoyait sur leur sort. À première vue, le tissu de l'ambition se fabrique d'une matière plus riche. Mais Brutus nous certifie que César était ambitieux. Et Brutus, n'est-ce pas, est un homme honorable. Vous avez tous su qu'au Lupercal, j'ai offert 3 fois de suite la couronne à César et que 3 fois de suite, il me l'a refusée. Était-ce là de l'ambition? Sans doute, puisque Brutus nous affirme que César était un ambitieux et qu'indiscutablement Brutus est un homme honorable. Aussi me garderai-je de contester ce que nous garantit Brutus. Je ne parle que de ce que je sais. Or, je sais que ce matin même, tous, vous portiez encore de l'amour à César, non sans bonne raison. Mais ce que je ne sais pas, c'est pour quelle bonne raison vous vous retenez maintenant de le pleurer. À Pierre Fresnes, une voix prédestinée à l'horizon funèbre. L'époque qui fournit le plus grand nombre de modèles d'horizon funèbre est sans doute le XVIIe siècle français. Les champions du sermon se nomment alors Bossuet, Bourdaloue, Massillon. Louis XIV apprécie les sermons de Massillon parce que, lui dit-il, ils le rendent mécontent de lui-même. Bientôt, il ne lui en demande plus d'ailleurs, le laissant à sa chair en la cathédrale de Clermont. Bourdaloue, c'est le champion dans l'argumentation serrée, peut-être un peu long. Les dévotes s'équipent en conséquence d'un pot de chambre qu'elles dissimulent sous leur robe afin de satisfaire discrètement leurs besoins sans quitter l'église. C'est l'origine du mot « blé Bourdaloue ». Bossuet, lui, a prononcé moins d'oraisons funèbres devant la cour et la ville. Une dizaine seulement. Mais c'est d'elle qu'on se souvient. Voici la plus fameuse, sans doute, présentée par Marcel Pagnol. Ah, la voix de Marcel Pagnol. Dans un disque qu'il a édité avec le père Roguet. Nous sommes en 1670. La princesse Henriette d'Angleterre vient de mourir. En quelques heures, à 26 ans. Elle était la fille du malheureux Charles Ier, décapité à Londres, et la femme de Monsieur, le frère de Louis XIV. « Venez et voyez, peuple, princes et princesses, ce qui reste de la grandeur de la naissance à l'heure de la mort. »« Priez Dieu pour l'âme de très haute, très puissante, très excellente et très vertueuse princesse Henriette, Anne d'Angleterre. » C'est ainsi que le 18 août 1670, les héros sont allés annoncer la solennelle pompe funèbre de la princesse aux principaux corps de l'État, le Parlement, la Cour des comptes, la Cour des monnaies et l'Université. En ce moment, une foule silencieuse entre dans la nef de Saint-Denis, qui est tendue de noir depuis le haut des arcades jusqu'en bas. Sur les lourdes draperies semées de larmes d'argent, brillent les armoiries de la princesse. Le mausolée se dresse au milieu du chœur sur une large estrade entourée de 8 marches. Aux 4 coins, des piédestaux octogones de marbre blanc supportent des tables jaspées de verre. Sur chacune de ces tables, une grande urne fumante de parfum. Pendant la première partie de la messe, le héros de Bourgogne est sorti. Il revient avec M. l'abbé Bossuet, qui vient d'être nommé à l'évêché de Condom. Monseigneur de Condom monte en chaire et s'adresse au prince de Condé, premier prince du sang qui représente le roi. Après cette introduction dite par Pagnol, c'est le père Roguet qui va interpréter Bossuet, un dominicain, maître des micros. Il assurait déjà le programme catholique de Radio Vichy. Il sait ce qui fait écho et ce qui tranche, parce que Bossuet avait des idées nettes. Il partait toujours de la Bible et soudain, rend position sociale, posture, tabouret, tout ce qui venait d'ici-bas n'était plus rien de rien. Vanité des vanités, a dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, et tout est vanité. Monseigneur, j'étais donc encore destiné à rendre ce devoir funèbre à très haute et très puissante princesse Henriette Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans. Elle, que j'avais vue si attentive pendant que je rendais le même devoir à la reine sa mère, devait être sitôt après le sujet d'un discours semblable, et ma triste voix était réservée à ce déplorable ministère. Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable, où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle, Madame Sommeur. Madame est morte. Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup, comme si quelque tragique accident avait désolé sa famille? Au premier bruit d'un mal si étrange, on accourt à Saint-Cloud de toutes parts, on trouve tout consterné, excepté le cœur de cette princesse. Partout on entend des cris, partout on voit la douleur et le désespoir et l'image de la mort. Le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré. Et il me semble que je vois l'accomplissement de cette parole du prophète. Le roi pleurera, le prince sera désolé, et les mains tomberont au peuple de douleur et d'étonnement. Michel Crépu, qui a écrit un beau tombeau de Bossuet, note: Bossuet, c'est trop fort pour devenir démodé. En fait, ajoute-t-il, il nous est devenu étrange, étranger même, ce qui est très différent. Il rendait souvent visite à la Trappe, dans le Perche. L'abbé de Rancé y menait délibérément ses moines vers la mort. Dans l'abbaye, entourée d'eau stagnante et de forêts, l'âge moyen de décès des religieux soumis à toutes sortes de macérations dépassait à peine les 30 ans. Chaque mort faisait l'objet d'une relation qui était imprimée et diffusée à travers le pays. Un autre genre littéraire que l'oraison funèbre et dont le succès à l'époque nous laisse encore plus perplexes. Changement de registre, retour à aujourd'hui où on préfère mettre la mort à distance, par l'humour et le rire. Pierre Desproges, qui en savait pourtant long sur elle, faisait ainsi l'éloge de Guy Bedos. Guy Bedos n'est plus. Tu es mort. Guy Bedos n'est plus. La France perd le meilleur de ses fils. Et la rampe, le meilleur de ses feux. Que dire du désarroi qui nous broie et de la douleur qui nous noue? Sinon quand nos cœurs, l'un et l'autre, cohabitent, pour reprendre le cri d'amour du crapaud. Oui, mesdames et messieurs, la France est en deuil. Et la presse tout entière en témoigne. Lulu Talsida écrit dans Libération, je cite, Bedos est parti. Ne coupe pas, t'es mort. Bedos est parti, le froid coup de poing du destin nous atteint en plein hiver, glacé comme un marron. L'important n'est pas tant d'être de gauche ou de droite, l'important est d'être de quelque chose. Et finalement, être de gauche, ça vous pose un homme, aussi sûrement qu'être de Garenne, ça vous pose un lapin. Être de gauche, c'est aussi, c'est surtout, savoir se dresser contre les injustices sociales chaque fois que votre calendrier des loisirs vous en laisse le temps. Et peu d'humoristes se sont engagés dans cette voie avec autant de cœur que ce comique troupier néo-castriste dont je salue ici la dépouille mortelle. Lui qui a toujours pris fait et cause pour ses victimes exsangues du vampirisme capitaliste, que sont les masses laborieuses qui vont le dos courbé sous le joug de l'impôt qui leur suce la moelle jusqu'au tréfonds du péritoine, les rendant incapables de joindre les deux bouts pour en faire un seul nœud. Aujourd'hui, te voici comme un languigui. Te voici emballé dans ce suaire où tu parais plus grand couché qu'accroupi. Et ma voix est mue de te savoir si mou. Adieu l'artiste. Vas en paix. L'homme prêt à rire, mais donne à pleurer. Des proches, encore. Puisque nous voilà entrés avec lui dans le monde politique. On se souvient peut-être que le général de Gaulle, dans son testament, avait demandé pas de discours lors des obsèques, ni non plus d'oraison funèbre au Parlement. Mais on ne peut contrecarrer la tradition de chacune des deux chambres d'honorer la mémoire des membres disparus en cours de mandat. La mort prématurée, à 53 ans, en 2011, de Patrick Roy, a frappé ses collègues du Palais Bourbon. Le député-maire de Denain était connu pour sa participation très active à la séance des questions du mardi, en veste rouge pour retenir l'attention des téléspectateurs. Atteint d'un cancer du pancréas, il était revenu, méconnaissable dans l'hémicycle, et il avait remercié ainsi ses collègues de leur soutien. « Alors que j'ai vilipendé tant d'entre vous, vous avez été à mes côtés, sans faille, toujours. Combien de fois j'ai pleuré d'émotion en vous lisant, en vous écoutant, en vous recevant. Aujourd'hui, je vais vous dire, je suis très fier d'appartenir à cette belle démocratie française. » Après son décès, le ministre des Relations avec le Parlement d'alors, Patrick Ollier, et le président Bernard Accoyer sont intervenus tour à tour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le 3 mai dernier, Patrick Roy nous quittait un mardi, jour de séance des questions au gouvernement, ces séances qu'il appréciait tout particulièrement et qui lui permettaient de questionner le gouvernement souvent avec force, au point qu'il s'est fait connaître comme le député à la veste rouge. Et derrière cet emblème, traduction de colère parfois et d'humour souvent, se cachait un homme d'une grande délicatesse dans son rapport aux autres, d'une sincérité profonde dans son engagement politique et d'une générosité sans faille. Patrick Roy, c'était aussi la musique, le rock metal en particulier, qu'il aimait avec ardeur et qu'il aura fait découvrir à bien des députés. Travailleur acharné, Patrick Roy était aussi assidu en commission que dans l'hémicycle. En 2007, il présidait aussi le groupe d'études parlementaires sur l'amiante et en 2009, la mission d'information de la Commission des affaires sociales sur la prise en charge des victimes de ces matériaux toxiques dont il avait étudié les effets dévastateurs. En l'honneur de Patrick Roy, le festival Hellfest a tiré un feu d'artifice sur un morceau bien connu d'AC/DC. We'll be right back. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. L'oraison funèbre et en politique toujours. On se souvient aussi du discours crépusculaire de François Mitterrand devant le cercueil de Pierre Bérégovoy à Nevers. L'ancien Premier ministre avait mis fin à ses jours après avoir été harcelé pour avoir accepté un prêt immobilier de Patrice Roger Pellat. Il avait été un petit chose, il avait eu envie d'un bel appartement dans le 16e arrondissement. Un des paparazzi qu'il avait alors suivi et depuis entré à la trappe. L'oraison funèbre en politique ne suppose plus, comme au temps de Bossuet, qu'on croit en Dieu ou en la vie éternelle, mais au jugement de l'histoire et de ses peuples, si. François Mitterrand, à Nevers, avait attaqué les chiens qui avaient poursuivi son ministre et en avait appelé à l'avenir. Il s'était souvenu d'un discours qu'il faudrait réentendre plus souvent, celui de Léon Blum à Lille cette fois. Le président du Conseil socialiste du Front populaire venait clore le parcours de Roger Salengro, son ministre de l'Intérieur, suicidé lui aussi après avoir été attaqué sans trêve par l'extrême droite qui l'accusait à tort d'avoir déserté le combat pendant la Grande Guerre, d'avoir déserté en vélo, ce qui justifiait, paraît-il, de déposer des pneus crevés sur la tombe de sa femme qu'il allait rejoindre. Il n'y a pas d'antidote contre le poison de la calomnie. Une fois versé, il continue d'agir, quoi qu'on fasse, dans le cerveau des indifférents, des hommes de la rue, comme dans le cœur de la victime. Il pervertit l'opinion, car depuis que s'est propagée chez nous la presse de scandale, vous sentez se développer dans l'opinion un goût du scandale. Tous les traits infamants sont soigneusement recueillis et avidement colportés. On juge superflu de vérifier, de contrôler, en dépit de l'absurdité parfois criante. On écoute et on répète. Celui qui publie ainsi la calomnie devient un complice involontaire du calomniateur. Si un homme est déshonoré chemin faisant, tant mieux. Si un homme souffre et meurt, tant pis. La fin justifiera les moyens. Voilà précisément ce qui ne peut pas durer. Le peuple français ne livrera pas plus longtemps les siens à la presse infâme. Il ne supportera pas plus longtemps que pour satisfaire à leur passion, les chefs de bande et leurs mercenaires attendent à son honneur ou même à sa sécurité. Il consolidera contre eux les institutions républicaines. Il rejettera fermement et durement, s'il le faut, leurs attentats contre la société plus libre et plus juste qui s'élabore. Roger Salengro n'aurait pas voulu d'autres vengeances. Le suicide, l'homicide de soi-même, dirait Bossuet, présente l'avantage de pouvoir contrôler ses derniers gestes, ses derniers mots. Salengro, avant d'ouvrir le gaz, avait éloigné le chat dans une pièce inaccessible, calfeutré la porte de la cuisine, déposé sur la table deux exemplaires du journal qu'il attaquait sans relâche et écrit deux lettres. Bossuet, appelé au chevet d'Henriette d'Angleterre, avait observé que tout ce que disait la princesse après avoir reçu les derniers sacrements était court, précis et d'un sentiment admirable. Court, précis, d'un sentiment admirable. Les ultima verba sont appelés à devenir un genre littéraire, encore un, si le pathos et les larmes n'en troublent pas l'éclat à la façon de Socrate. Il portait la coupe à ses lèvres. Et il la vida jusqu'à la dernière goutte avec une aisance et un calme parfait. Socrate dit, et ce fut sa dernière parole, « Criton, nous devons un coq à Asclépios. Payez-le, ne l'oubliez pas. » Collectés, rassemblés, les ultima verba ont vite fait constituer, à peu de frais, des livres de piété, mais rien n'est pire que les livres de piété. Le psychanalyste et essayiste Michel Schneider avec Francesca Piolo sur France Culture. La mort de Victor Hugo, les gens retiennent qu'il est mort en prononçant un alexandrin, mais c'est beaucoup plus maladroit et plus obscur. De même, le fameux... C'est ici le combat du jour et de la nuit. Ça, c'est l'alexandrin qu'on lui prête. Il y a eu un bruit rauque. Il y a un bruit rauque. Comme de la mer sur les galets. Voilà, il parle de la mort comme un bruit rauque sur les galets. C'est une très belle image. Et on peut aussi penser à Goethe avec son fameux oui. Merlicht, plus de lumière, où il voulait peut-être tout simplement dire ouvrez un peu les persiennes parce que j'ai envie de regarder la lumière dehors. Ça ne veut pas dire j'ai enfin rencontré la vraie lumière vue en face. Et puis il a dit aussitôt après à sa belle-fille, donne-moi ta patte. Et moi j'adore les mots comme ça, des mourants, avec la trivialité de toute vie. Et je ne vois pas pourquoi les écrivains, au moment de mourir... Ferait de beaux mots. Il pense probablement à la souffrance, aux misères du corps, aux excréments qu'il ne contrôle pas, je sais pas, à des choses à la fois abominables, terribles, ou peut-être drôles. Et Chateaubriand, par exemple, dans les derniers jours, a reçu chez lui un couple de gens, et on peut penser que ses derniers mots ont été, ou presque ses derniers mots ont été, « Ah, les petits cochons !» Bon, évidemment, ça cadre pas non plus avec l'homme qui prétendait descendre dans sa tombe avec un crucifix à la main et un livre dans l'autre. Enfin, l'idéal, c'est de garder un peu d'humour et de pouvoir répondre à la question « ça va ?» d'un « ça s'en va ?» bien senti. Le vieux roi Louis XVIII, devenu podagre, répandant une odeur nauséabonde, entendant l'évêque lui réciter les formules de l'extrême-onction, lui signale « Non, monseigneur, vous avez oublié ceci. » Et il cite la phrase manquante en latin. En la matière, l'aristocratie a longtemps gardé l'avantage, l'expérience de l'éducation, des dîners dans le monde, de la guillotine peut-être. Mais un bon mot bien trivial pour reprendre l'expression de Schneider, ça aussi du chien. Jérôme Deschamps, héritier des droits de Tati. Des souvenirs de Tati, il y a une chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que m'avait confié Sophie, c'est les dernières paroles de Jacques Tati qui n'allait pas bien, qui était à l'hôpital, et puis il a fait signe à sa fille Sophie et à sa femme Micheline de s'approcher, et elles se sont dit voilà, ça y est, il va nous dire au revoir. Et il leur a dit: j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'amour entre l'infirmière et le grand noir qui fait le ménage. Nathalie Sarraute s'est redressée à regarder sa fille. Enfin, elle s'est redressée et elle a dit « c'est fini ». Et j'ai eu l'occasion de m'interroger sur ce « c'est fini ». Était-ce une affirmation ? Était-ce une question ? Je trouve en tout cas que, assorti d'un point d'interrogation discret, c'est un merveilleux titre, ça retient. « C'est fini ». Ça dit le soulagement d'en finir. Ça dit l'angoisse d'en finir, ça dit l'étonnement d'en finir. Voilà, c'est fini. En la matière, il faut la subtilité du regretté Jacques Lassalle. Demain, après les oraisons funèbres et les ultima verba, l'aménagement et la gestion des cimetières, on continue à bavarder. On ne peut pas parler de la mort, on ne peut rien en dire, et on ne peut même pas la penser. Ce qu'on peut faire, c'est bavarder à son propos. Par exemple, quand vous me dites les cercueils, les cimetières, voulez-vous être incinéré, etc., l'euthanasie, c'est pas le problème de la mort, c'est le problème de la vie. La mort, vous savez, ça... Non, ça m'occupe pas, ça occupe tout le monde. C'est vous qui en avez parlé, hein. Oui, mais c'est moi qui en ai parlé, parce que tout le monde en parle. Bon, ben, c'est pas mon problème personnel, je voudrais bien que ce soit le problème des autres. Malheureusement, c'est aussi le mien. Bon, ben, tout le monde en est préoccupé, il n'y a rien de particulier. Du reste, j'ai fait un livre là-dessus, puis c'est fini, j'en reparle plus. Depuis que j'ai fait ce livre, d'ailleurs, maintenant, il y a des livres sur la mort, il y en a 20 chaque année. On fait des livres sur n'importe quoi, sur les enterrements, sur les pompes funèbres, sur le marbre dans lequel sont faites les sépultures, sur l'usage des couronnes, enfin, c'est pas ça qui m'intéressait, moi. La préparation, c'était Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille, à la technique Anne-Laure Cochet.